Amis humains, bonjour. La robotique. www.intelligenceartificielle.fr. Le marché de la robotique est en plein boom, principalement par la baisse des coûts d'au moins un tiers entre 1990 et 2003. En 2003, on recensait plus ou moins un tiers de robots domestiques, un tiers de robots industriels et enfin un tiers de robots de loisirs. Le développement de systèmes robotiques s'applique à des applications militaires, industrielles, médicales, domestiques ou de loisirs. La communauté française comprend plus de 1000 chercheurs. Depuis ses débuts où les robots utilisaient un langage propriétaire, l'apparition de langages et d'outils de programmation propres à la robotique facilite grandement le développement. Il existe un peu partout dans le monde des compétitions de robotique. En France, la Coupe E égale MC, devenue la Coupe de France après 1998, est une des premières compétitions. Dès 2002, des rencontres annuelles de robots suiveurs de ligne apparaissent. La robotique, très populaire au Japon, se démarque avec des tournois de robots sumo. Le but étant de faire sortir son adversaire de la zone de jeu. Les États-Unis préfèrent les battle bots, des combats pouvant être télévisés de robots armés combattant violemment dans des arènes. L'Agence de recherche avancée du département américain de la Défense, DARPA, organise une course dans le désert de véhicules pilotés automatiquement par ordinateur et système de navigation, GPS et radar, c'est le DARPA Grand Challenge. L'Association internationale Eurobot organise une compétition depuis 1998 qui a réuni plus de 25 pays en 2009. Il existe aussi une compétition internationale de football par robot humanoïde, la RoboCoupe, qui a pour objectif de battre les champions du monde d'ici 2050. Les évolutions de la robotique. Dans le domaine de la locomotion, les robots ont d'abord copié les insectes, robots quadrupèdes, hexapodes, par souci de stabilité et de faciliter le contrôle. À l'heure actuelle, la recherche s'est tournée sur la locomotion bipède, qui demande une plus grande puissance de calcul. On a vu l'apparition de robots humanoïdes, principalement construits au Japon. Le champ d'étude s'élargit avec la micro-robotique, afin d'améliorer les actionneurs, les capteurs et les préhenseurs. La robotique médicale a été développée pour la chirurgie mini-invasive et la téléchirurgie. Des recherches sur la vision robotique et la navigation tentent de concevoir des véhicules intelligents. Les techniques de reconnaissance d'objets à partir d'images de caméra essaient de permettre aux robots de faire face aux imprévus. Il reste le domaine de l'apprentissage, où les travaux sur l'intelligence artificielle sont en plein essor. Nao, le robot qui vous comprend. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.